verras pas travailler. Tu te moqueras de mes airs oisifs, penseurs et détachés, fatigués de ne rien faire. Tu me verras sympathique, un autre de ces clichés qui paiera sa bouffe sur ton fric. Mais tu me verras pas travailler, sauf peut-être après minuit, à décrochable d'un clavier quand je creuserai le fond des puits pour quelques gorgées de papier. Sauf peut-être après minuit, un décrochable d'un clavier quand je creuserai le fond des puits pour quelques gorgées de papier. Ta la ta ta ta ta. Ta la ta ta ta ta. Ta la ta ta ta ta. Ta la ta ta ta ta. Tu me verras pas pleurer, tu me trouveras même rigolo de ce qu'il faut pour t'amuser. Divertir les plus beaux. Tu me verras roi de la danse, à faire tout brûler sous mes pieds. Tu me verras mettre l'ambiance, mais tu me verras pas pleurer. Sauf peut-être après minuit, quand t'effondrerai sur un bar, je raconterai mes états de vie au premier tenant de comptoir. Sauf peut-être après minuit, quand t'effondrerai sur un bar, je raconterai mes états de vie au premier tenant de comptoir. Tu me verras pas militant, tu me verras pas électrique, tu me verras pas cohérent, tu me verras pas amnésique, tu me verras pas ennuyeux, tu me verras pas m'ennuyer, tu me verras pas lever les yeux, ni les fermer, ni les baisser, tu me verras ni passionné, ni blasé, ni excessif, tu me verras pas libéré, tu me verras pas captif, tu me verras pas amoureux, tu me verras pas m'énerver, tu me verras pas malchanceux, tu me verras pas m'enrhumer, sauf peut-être après minuit, quand toute ma pudeur se dessape, que je deviens ce que je suis. Pour une raison qui m'échappe, sauf peut-être après minuit, quand toute ma pudeur se dessape, que je deviens ce que je suis. Pour une raison qui m'échappe, sauf peut-être après minuit, quand toute ma pudeur se dessape, que je deviens ce que je suis. Pour une raison qui m'échappe, sauf peut-être après minuit, quand toute ma pudeur se dessape, que je deviens ce que je suis. Pour une raison qui m'échappe, pour une raison qui m'échappe, pour une raison qui m'échappe, pour une raison qui m'échappe, pour une raison. Son qui m'échappe brûlerait, son qui m'échappe brûlerait, son qui m'échappe brûlerait, son qui m'échappe.